L'équipe de France. Voilà. Ribéry, le ballon et le but de l'équipe de France. Ça m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, mais c'est con, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Ah, ça fait du bien de vous retrouver, les copains. Ah, c'est vrai que c'était. Ah, bah ça faisait longtemps. Ah, ouais, ça faisait longtemps. Coucou Julien. J'ai un petit clin d'œil pour toi tout à l'heure, mon petit Fredo. D'abord, on a vu que Maolida nous a encore sorti une bandelette. Bon, pas pour l'after, hein, il a encore mis le Sporting ne meurt juste jamais. Ça fait 5 ans qu'il nous l'a, qu'il nous l'a promis. Il y avait marqué un beau message, le Sporting ne meurt jamais. Alors, c'est pas le seul à faire ça. Gignac aussi a une bandelette. Il y a marqué Jospin président. Le problème, c'est qu'il serait temps qu'il la sorte. Ça fait 5 ans qu'elle est dans sa chaussette. Le problème, c'est qu'il y a tant qu'il marquera pas. Alors, il va peut-être s'en servir pour ça. C'est qu'elle est là, elle est dedans, elle est là, elle bouge pas. Voilà, bon. Pour Olivier Dacour, la Ligue des Champions, c'est un peu une vitrine. Surtout que Jospin, ça fait 12 ans. Mais bon. Ça fait 12 ans. Bah, oui. Putain, moi j'avais voté pour lui il y a 5. Merde. Oh le con, mais c'est ça. Je m'étais trompé. C'est pas grave, je me suis rattrapé, j'ai voté Chirac cette année. Olivier Dacour qui nous a dit que la Ligue des Champions c'était une vitrine. Et c'est vrai que quand on voit certains joueurs, ça fait un peu penser au quartier rouge d'Amsterdam. Donc je suis assez d'accord avec ça. Les Girondins, la pêle-mêle, hein, les Girondins qui ont mis une banderole pour Bob Marley. Hein, c'est sympa, c'est un peu les boules, savoir que Steve Marley n'en a jamais eu, qu'il a resté 15 ans au foot français. Et Bob Marley en a une, c'est rien à rien comprendre, de toute façon c'est tous des drogués. Et surtout, je voudrais revenir sur le Classico. Alors le Classico, toi Gilbert, tu l'as regardé sur quelle chaîne? Sur Canal, comme tous les beaufs. J'ai plus rien à foutre. Hein. Donc tu l'as regardé sur Canal. Eh ben non, moi je l'ai regardé commenté, alors en espagnol, commenté par Fred Hermel. Et c'est vachement. Ah non, mais extraordinaire. Tu commentais le match, Fred? Ah, mais si, oui, Fred. Attends, d'ailleurs, mais tu sais, extraordinaire. En plus, c'est version originale, quoi. Est-ce qu'on peut écouter le commentaire du premier but? Oh oui, oui. Voilà, donc ça, c'est, ça, c'est le premier but. Premier but de Madrid. Voilà. Et alors là, bon, je traduis pas, vous avez compris. Et là, après, il y a le deuxième but du Real. Et là, c'est encore mieux. Vas-y Fred. Donc là il dit passe en profondeur, oui, voilà, oui, frappe de Ronaldo, oui, et but de 2-1. Voilà. Et avouez quand même, c'est un peu ça quand même, hein. Le foot commenté par Fred, c'est quand même vachement mieux, hein. Donc voilà, donc du coup maintenant je regarde que comme ça. Mais c'est marrant parce que ce but ressemblait beaucoup au but de Didier Drogba que t'avais pas commenté, mais il me semblait que de chez toi t'avais fait le commentaire à peu près le même. Drogba, Chelsea, Barcelone. Alors sinon Fifi qui nous a dit que les Anglais qui jouaient pour l'Euro pourraient pas faire les JO. Alors c'est un peu emmerdant, ce qui veut dire que Oxlade Chamberlain et Théo Walcott, ils vont pas faire le 4x100 aux Jeux Olympiques. Oh non, je suis désolé. Alors c'est dommage, ils vont faire comment les Anglais? C'est quand même des beaux coureurs à pied. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre de parler foot parce qu'il y a quand même eu un événement majeur quand même ce week-end, hein, tu te rappelles Gilbert? Donc t'étais en week-end, oui, la montée de Bastia. C'était pas ce week-end. C'était les élections et il faut savoir qu'il y a quand même les joueurs sont assez concernés, par exemple notamment Jérémy Ménez, on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de François Hollande. Il a dit je pense que l'équipe de France est favorite, mais en face il y a Van Persie et Robben, donc c'est pas gagné. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même concernés. Non, ceci dit, à l'Euro, s'il y a France-Pays-Bas, on sera un petit peu partagé à RMC, parce que nous, il y a un consultant d'RMC qui joue aux Pays-Bas, milieu défensif, Jean Baumel. Jean Baumel, il n'est pas RMC. Marco Jean Baumel, il est là. Pardon, excusez-moi, je craque. Non, j'ai surtout remarqué, en regardant ces élections, j'ai surtout remarqué que la Ligue 1, ben c'est un peu comme les élections présidentielles. Tu vois, t'as Montpellier, hein, qui est à côté, le changement c'est maintenant, tu vois, on trouve ça chouette, c'est frais, on a envie que ça gagne. Même si on sait que l'état de grâce va durer que 6 mois et que dès qu'il faudra se frotter à l'Europe, ça va être le bordel. Mais bon, voilà, tu vois, derrière t'as le PSG, c'est le bling bling, ça représente le pognon, tout le monde veut qu'il perde, hein, parce qu'il se la pète trop. Mais en même temps, il est toujours là, il est deuxième, hein, planqué. Lorient. J'ai pas montré Daniel. Lorient, c'est les oranges, hein. Lorient, c'est un peu le modem, ils sont oranges, tout le monde trouve ça bien, il y a un beau programme, ça fait envie. Enfin, surtout au début, puis plus on avance, et moi, on y croit. Et puis, comme le modem, il y a un beau projet, mais les gens se barrent les uns après les autres, et on finit par se retrouver tout seul comme un gland. Et tu joues le maintien, ouais. Parce qu'au modem, ils ont perdu Morin, à Lorient, ils ont perdu Morel. Hein. C'est-à-dire que Ils ont fait à peu près tous les deux le même performance à la défense, hein, à peu près. Hein, c'est le même niveau. Et puis le TFC. Alors le TFC, c'est un peu Jacques Chebidad. C'est pas que c'est nul. C'est pas que c'est pourri. C'est, si on fait attention, il y a même des choses intéressantes. Mais globalement, on s'en fout en fait. On s'en branle. C'est horrible à dire. Hein. Et en même temps, on n'est pas tout seul parce que même eux, ils n'arrivent pas à remplir leur meeting. Donc. C'est un peu tristoun. Alors, bon, c'est pas très sympa pour Casanova. D'ailleurs, Casanova, chaque fois que je pense à Casanova, je me dis, autant il y a des mecs qui portent bien leur nom en Ligue 1. Tu vois, par exemple, Pablo Correa. C'est vrai que quand tu vois son équipe, il y a un côté sous-Coréa, North-Coréa. Il y a un côté Corée du Nord. Hein, c'est tous derrière, personne rentre, personne sort. Rémi Garde, c'est pareil. Rémi Garde, il monte la garde. Il est au garde à vous. Il fait ce qu'on lui dit. Tu vois, ça marche. Daniel Sanchez, bon, ben Sanchez, pour un mec qui est sur le banc, ça marche. Mais Casanova, si tu te rappelles, Casanova c'était un séducteur. Et moi, excuse-moi, quand je vois le TFC, je trouve pas ça super séduisant. On va dire que je m'acharne, mais bon. Mais bon, bah, il s'appelle comme ça. Ceci dit, pour dire un truc quand même sur les élections, on dit qu'il y a quand même un truc bizarre sur les élections présidentielles, proprement dites, c'est le score de Marine Le Pen. Les mecs, ils sont chelous. C'est Marine Le Pen, c'est une nana, son cheval de bataille, c'est sortir de l'euro. Alors qu'on a viré un coup de pompe dans le cul Domenech, qui nous a sorti de l'euro en 2-2, comme ça, en claquant des doigts, et que si on l'avait laissé, on n'y serait même pas allé à l'euro. Ah, faut savoir ce qu'on veut. Non, moi, là où je la rejoins, Marine, c'est que quand je vois tout ce qui se passe en ce moment, je me dis combien de Brandao, combien de Umut Bulut et de Moussa Mazou dans les charters des transferts du Mercato qui mettent en danger notre Ligue 1. Sur ça, je suis assez d'accord. Non, la vraie différence entre la politique et le foot, c'est qu'en politique, le fair play financé, ça les fait bien marrer. Donc, le PSG... Alors, il y a quand même plusieurs trucs intéressants au match du PSG, c'est que déjà il y a eu un événement incroyable. Néné a fait une passe à Kevin Gamero. Il lui a passé la main au moment donné où il y a eu changement là. C'est Kevin Gamero pour Néné. Ils se sont fait une passe. C'était extraordinaire. Passage de témoin. C'était hyper beau. J'ai même cru qu'il allait y avoir but. Et puis surtout, moi, ce qui m'a choqué dans ce match, c'est pas le 6-1, parce que fondamentalement, on s'en fout, ils ont battu Sochaux, bon, ouais, d'accord, bref, c'est pas non plus extraordinaire. C'est surtout qu'il y avait des supporters du PSG qui ont été magnifiques. Hein, pour ceux qui étaient au parc, il y a des supporters qui, dans cette espèce de tribune là, latérale, il y a une bande de mecs, là, d'anciens du Ultra, qui s'appelle, je crois, Liberté pour les abonnés, enfin, je sais plus si ça s'appelle toujours comme ça, et qui ont chanté pendant tout le match, et il est mort, le Parc des Princes! Cette espèce de combat très un peu bizarre sur, alors déjà, j'ai envie de dire, oui, bah, il est mort, le Parc des Princes, un peu de respect. Excusez-moi, quand il y a un mort, tu fais pas ça, toi tu te vois à l'enterrement. Et il est mort, tonton Bertrand! Et il est mort! Non! Il est mort, t'es gentil! Si tu trouves qu'il est mort, si tu l'aimes un petit peu, tu fais un peu de respect. Hein. D'ailleurs, moi c'est pour ça que je pense que ces mecs-là, ils devraient faire une minute de silence. Une heure, voire une année de silence, même, ça serait pas de trop, faut être honnête. Et puis surtout qu'en plus, ils chantaient pas que ça, ils chantaient aussi Paris c'est nous, Paris c'est nous. Alors j'allais dire, c'est la bande à Loïc et Ludo là de Liberté pour Zonique qui chante Paris c'est nous. Alors moi, comme tous les grands intellectuels, quand j'ai un doute, je vais sur Wikipédia. Et là, j'ai vérifié. Alors à Paris, alors j'ai vu des noms comme Napoléon III, l'architecte Jacques Le Mercier, le baron Haussmann. Je n'ai pas vu Loïc et Ludo. Alors c'est très bizarre. C'est la fondation de Paris et Loïc et Ludo n'étaient pas là. Liberté pour les abonnés n'était pas signalé. Donc je pense qu'il y a une erreur. Hein, dans ce site, il faut la rectifier, c'est quand même la moindre des choses. Puis j'aurais terminé avec l'OM, Didier Deschamps, qui était dégoûté. Vous avez vu sur l'arbitrage, c'est hallucinant quoi. Il a vomi sur l'arbitrage et il dit qu'il y en a marre. Et c'est vrai que moi je comprends ce mec là, il a fait partie de l'OM de Tapi, de la Juve de Moji. C'est à une époque, les arbitres c'était cadré, on fallait payer. T'as les mecs aujourd'hui se faire arnaquer gratos, aucune organisation. Et le mec il est en boule, faut le comprendre. Il n'y a aucun respect de la malversation et du voilà. Et moi je trouve que c'est pas normal. Genre, les équipes comme Caen, Brest et compagnie n'ont pas du tout payé l'arbitre, il a pas à faire ça. Voilà, je voudrais finir en chanson, une chanson un peu bizarre. Je vais pas vous mentir, hein, je vais pas vous la vendre. Je vais vous la donner parce que c'est pour soutenir un club et j'ai voulu être dans le ton du moment. Alors voilà, ça vaut ce que ça vaut, je me lâche. C'est parti. Attends, on va reprendre au début, je me suis fait avoir. Pardon, excuse-moi. Vas-y. 3, 4. Et une fois, entre Rennes et Pornic, un petit garçon roux, fan de Gaël Dalic, il attendait de moi une phrase magique. Je lui ai dit simplement, si j'étais président du Brest Armorique, je rebaptiserais le stade Francis le flic, bah quoi, c'est bien breton comme nom. Golf Persique, on aurait plein d'argent. Si j'étais président, si j'étais président du Brest Armorique, je mettrais Omar Dar. Bon, tiens, numéro 10, les mecs du Stade Rennais en feraient une jolisse, on balancerait le vent. Si j'étais président, fesses nos à l'habitant, moule et galette saucisse, du cidre à volonté, celui qui a un goût de pisse, à la Stival à fond, et les ultras qui vomissent, on s'éclaterait vraiment si j'étais